Vendu. Votre numéro, monsieur? Merci. Lot 663, mesdames et messieurs. Une affiche de la production du Hannibal de Chalumeau donnée dans ce même théâtre. Ici même. L'enchère commence à 10 francs. 5 alors? 5, très bien. 6, 7, on me dit mieux, monsieur. 7, 8, 8 une fois, deux fois, vendu à monsieur Defarre. Merci beaucoup, monsieur. Lot 664, un pistolet en bois et trois crânes humains, de la production de 1831 de Robert le Diable de Meyerbeer. 10 francs pour ceci. 10 francs, merci. Toujours à 10? 15, merci. J'entends 15. Adjugé à 15 francs. Votre numéro, monsieur? Lot 665, mesdames et messieurs. Une boîte à musique en papier mâché qui représente un orgue de barbarie. Sur le dessus, on peut voir un singe en robe persane jouant des cymbales. Cet objet a été découvert dans la réserve du théâtre et fonctionne toujours, mesdames et messieurs. Ici même. Je commence à 15 francs. 15, merci. Oui, 20 francs pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Madame Géry, 25. Merci, madame. J'ai une enchère à 25. Quelqu'un pour 30? 30. Et 35? J'ai une enchère à 30 francs, donc. 31 fois, 32 fois. Vendu pour 30 francs au vicomte de Chagny. Merci, monsieur. La couleur ou le vernis, tout est bien tel qu'elle en parlait naguère. Sauras-tu jouer lorsque nous tous serons sous terre? Lot 666, donc. Un chandelier en pièces détachées. Certains se souviendront peut-être de l'étrange affaire du fantôme de l'opéra. Un mystère que l'on n'élucida jamais totalement. On nous informe, mesdames et messieurs, qu'il s'agit là précisément du chandelier qui figura dans le fameux désastre. Nos ateliers l'ont réparé et l'ont en partie modernisé afin de le relier à l'électricité. Peut-être pourrons-nous effrayer ce si lointain fantôme grâce à quelques illuminations. Messieurs,